Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 16 au 22 janvier 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Évidemment, notre ami et collègue et tout, Jasmine Raymond-Révis sera avec moi en début de deuxième heure pour animer les palmarès. Mais pour l'instant, je commence tout ça et je vous présente, oui, ce qui se passe plus tard dans l'émission. On va savoir si nos numéros 1 sont toujours les mêmes, c'est-à-dire en francophone, les Oulala et la pièce Tu doses. Et en anglophone, Duchess 16 avec Time to Reiterate. On va savoir d'ici dans 3 heures environ. On va aussi avoir les meilleurs moments d'assemblage requis dans la chronique Un instant classique. On va faire un petit survol de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. En nouvelles entrées cette semaine, seulement 3 pièces. Hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une semaine avec aussi peu de nouvelles entrées. Donc, il va y avoir Les Surveillantes et Tom Waits plus tard. Mais on débute en 20e position francophone. Voici Les Breastfeeders. Une pièce très à propos en ce moment. C'est Manteau de froid. Au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Without you, dropping off and filling with hot tears. I think

Maybe in our time. Cette pièce de Wilco, Dawned on Me, monte d'une place, troisième semaine de présence sur l'album The Whole Love. Avant ça, on a entendu en franco les Cowboys Fringants. Non, on a... Est-ce qu'on l'a entendu? Non, on l'a pas entendu. Les Cowboys Fringants avec Asmin, on l'a sauté. C'est descendu de la 13e place. Avant ça, on a entendu les 18e. Donc, Library Voices et Reluctant Readers Make Reluctant Lovers qui monte de deux places et qui était nouvelle la semaine passée. Et on a débuté avec Move et la pièce Annie Hall qui descend de trois places, 9e semaine de présence. Pour cette pièce de l'album Cinéma Plymouth. Donc, on a fait deux gros blocs de trois pièces jusqu'à maintenant. On va se calmer sur le prochain. Hein? On va y aller avec juste deux pièces dans un bloc. Ça va faire changement. En 16e anglo, il y aura The Pack 80 et Cardinal Rule qui montent d'une place. Mais tout de suite, voici les Vulgaires Machins qui, eux, montent de trois. Deuxième semaine de présence, c'est Sans Remède. Je m'épuise moi-même en faisant trop d'affaires de suite quand même. Non. Hey! marcher mieux. Plus de gare à livrer ou même à fuir. Se taire est tellement plus facile que dire. Les images reviennent. Plus besoin de voix ni de fierté. Haïr est tellement plus facile qu'aimer. Retour de Pac 80, The Cat Empire et de Carquois au The Palmarès. C'est fou. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Numéro 16. Sure. The Pacquelli et la pièce Cardinal Rule. Position numéro 16 anglophone, ça monte d'une place. Et avant entendu, les Vulgaires Machins et Sans Remède, qui était une nouvelle entrée la semaine passée. Mais là, ça monte de 3 places. On va se faire un bon petit bloc rapide de 4 pièces, comme on aime les faire une fois de temps en temps, pour réussir à se jouer le plus de pièces possible avant que les gens arrivent. Hein? Jasmine Raymond-Dréville s'en vient tantôt pour co-animer avec moi. Et Justine Renaud s'en vient faire sa chronique, les tartines de Justine, tout à l'heure. Donc, on va entendre là-dedans Malajube, Dan Mangan et The Cat Empire. Mais on débute avec Carquois, qui descend de 11 places. 5e semaine de présence. Voici La Vague perdu. Dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Même pas des blagues, même pas des blagues. Si c'est une blague, c'est pas bien drôle. Quoique, des fois, avec moi, on sait jamais, parce que c'est rarement drôle, hein? Diable nous attend au bord. J'en rêve.

numéro 14. Let's start a war for the kids. A purpose for which to unite. Make them some words they can mend. What they don't know, they won't mind. Find them a foe for the fight. And stories to tell as they age. Then maybe time will decide which ones keep and which ones fade. There's the deepest sleep in my blood, from which I am slowly coming to. And every morning I wait for the news. Oh, this is post-war blues. In sight. Make me insightful again. But I can't see, I can't fight. Make me a fire to burn. Burn all the letters I wrote. Write me a list of concerns. If we are at peace, if we are at peace, I wanna know. There's the deepest sleep in my blood, from which I am slowly coming to. And every morning I wait for the news. Oh, this is. Un beau petit bloc de 4 pièces, ça fait comme 15 minutes qu'on s'est pas parlé, donc moi c'est Mathieu Plante, en passant, Palmarès c'est fou l'émission. Oui. On vient d'entendre Dan Mangan avec Post-War Blues, ça monte de 2 places, c'est en 14e anglo. Avant c'était Majub avec Ibuprofen qui descend de la 6e place, et avant ça on a entendu les 15e positions en anglo de Cal Empire et Waiting qui monte de 4, oui. Et Carquois avec La Vague Perdue qui descend de 11 places. Voilà pour ce bloc de 14e et 15e place. On arrive au 13e. En anglo, c'est Los Campesinos avec By Your Hand qui monte de 2 places. Mais à l'instant, voici Dale Hawerchuk qui, eux, chutent de 11 places. Leur pièce a beau s'appeler Poche pleine d'or. En tout cas, doit être pleine pas mal parce que ça t'a fait sacré cul en terre. Hein? Je veux numéro 13. Las Capucinos, c'est By Your Hand en 13e position qui monte de 2 places. Et avant Franco, c'est les Dale Hawerchuk et Posh Pendar qui descendent de 11. C'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt avec Monogrenade, Bravo Funken, Galaxy, Jane's Addiction, Australia, The Kooks et Jasmine Raymond-Rainville et même, sûrement probablement, Justine Renaud. Espérons-le. C'est des palmarès, c'est fou, restez là! C'est assez fou pour l'écouter. Quatre-vingt-neuf. Déjà de retour, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 16 au 22 janvier 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Dans quelques minutes, Jasmine Raymond-Dreville sera avec moi pour co-animer le restart de l'émission et Justine Renaud va être là pour ses tartines de Justine. Mais on débute cette deuxième heure avec les positions numéro 12 du côté anglophone. Ça descend de 9 places. C'est Jane's Addiction. Oui, dis-le comme faux, chose. Jane's Addiction? Hey! Jane's Addiction. Ma diction n'était pas parfaite. la pièce s'appelle Underground. On débute avec Monogrenade. Ça monte de 6 places. C'était nouveau la semaine passée. Voici De toute façon. Sur C'est fou, 89 FM. Addiction. Ma addiction, c'est carrément ça. I'm On vient d'entendre Jane's Addiction et la pièce Underground au Palmarès C'est Fou, a condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Et je dis ça pas seulement parce qu'il faut absolument que je remplisse du temps jusqu'à temps que je puisse aller ouvrir la porte à Jasmine, qui est dehors. Donc, on va entendre le prochain bloc à l'instant. On va écouter du côté anglophone Austria avec The Choke, mais on débute avec Bo Funkin et Zombies. Puis après ça, ben, Jasmine est là, gars. Je m'en viens. J'arrive, Colin, arrête de chialer, oui, là. Elle me regarde comme, qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je fais mon Mathieu Plante. Hein. C'est déplaisant. The car. La pièce The Choke de la formation Ostra, ça monte de 3 places, est en position numéro 11 anglophone. Et juste avant, du côté franco, on a entendu Bravo Funken et Zombies qui montent de 6 places et qui étaient nouvelles la semaine passée, c'est sur l'album Cœur Rubik. Et à ce moment-ci, ben, c'est le moment d'amener Jasmine Raymond-Drainville. Bon, j'allais dire bon matin, mais bon après-midi. Ouais, ben c'est ça. T'as animé Assemblage Requis avec moi ce matin, jeudi. Oui. T'as du plaisir? Ah ben oui. Ben oui. Ensuite, j'avais 2 cours. Oui, et ensuite de l'animation. Puis après ça. Après ça, je m'en vais chez nous. Bon, faut pas que ça finisse à un moment donné, cette journée-là. Hein? Quand même, cette semaine-là, je dirais. Du 7 à 5, là. Quand même. C'est intense. On est levé depuis 5. Mais on est de bonne humeur. Voilà. En tabarouette. J'attendais le love. OK. Donc, tout à l'heure, on va recevoir toi et moi, Justine Renaud, pour sa chronique Les Tartines de Justine. On est tout excité. Et c'est pour ça aussi qu'on attend avant de passer les instants classiques d'Assemblage Requis. On veut tout mettre en même temps. Voulez-vous une petite blague de carambar? Moi, je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Parce que tu les as pas lues, hein? Non, je voulais me garder la surprise comparée à ce qui me passait. Carambar, on le rappelle, c'est des petites blagues à la bazooka de Joe, mais moi, ça nous fait bien. Mais c'est tellement meilleur qu'il y ait des gommes bazooka. Ben oui. OK. Les duos de dingue. C'est la catégorie de blagues. Ah, il y a des catégories, hein? Oh oui. Mm-hmm. Que font deux guitares déprimées? Deux guitares déprimées. Non, je sais pas. Un coup de blues? Un coup de blues. C'est ça. Oh, ouais. Elle est plate de main. Elle est tellement grosse, cette blague-là, qu'elle passe plus d'importe, hein, comme mes blues passent plus d'importe. C'est ça. Blague de Jerry Boulet, ça? Oui. Ouais. Aussi bon que l'autre blague d'avant. Comment? J'ai dit une Jerry blague. Une Jerry boulague. Une Jerry blague. Une Jerry boulague, c'est encore bien mieux. J'aime ça. Martin Deschamps, hein? Oui. Bon. Donc, vous êtes toujours au Palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique et des meilleures blagues. J'ai tellement... Je le sais quand il arrive. À chaque fois, j'aime trop ça. C'est génial. Donc, on va l'entendre notre prochain bloc. On va y aller avec les positions au numéro 10. Par contre, on saute par-dessus Steve Hill avec Eden Cool qui monte de 2 places. On va entendre seulement le numéro 10 francophone, Jasmine. Qui est Galaxy avec Mélodie Mécanique qui était en 16e place et qui est maintenant 10e. Bon, fait qu'on se craint qu'une Mélodie Mécanique. Oui, c'est bien ça. Ah, go! Hey! Musique joue dans nos pas.

Moi aussi, des légumes sans trempette, ça marche pas pantoute avec moi. Hein. Je te comprends très bien. Oh. Non, mais j'aime ça quand même, avec la trempette. Ouais. Mais... Pourquoi on parle de crudité, de trempette, je sais pas, mais... Parce que je suis en train de manger des légumes. Mais non, même pas vraiment, je pense que... Donc, on vient d'entendre du côté anglophone The Cooks et Junk of the Heart, entre parenthèses Happy. Ça monte de 4 places, 3e semaine de présence. Avant, on a entendu en 9e francophone. En 9e, Cœur des Pirates, qui nous chantait Adieu. Oui. Qui est là depuis longtemps quand même. Live en studio, oui, 7 semaines. Ouais, elle est pas live en studio, non. Malheureusement. Oui, elle est là depuis 7 semaines. Pas 7, c'est ETTE, mais 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. mais 7, moins 7, 1. 7. Avant ça, du côté des 10e places, on n'a pas entendu Civil avec Hélène Cour qui montait de 2 places. Mais on a entendu Galaxy avec Mélodie Mécanique. Qui voilà. Est là depuis 2 semaines. Tu sais, c'est quand même nouveau, là. Bah oui. Relativement nouveau. Alors, on va y aller avec les 8e places du côté anglophone. Avant de passer aux 8e places, non, c'est vrai, j'avais quelque chose à vous dire. J'étais là, puis j'avais prévu l'information, puis j'avais fermé ça complètement, alors que c'était pourtant super important. Vas-y. Excuse-moi, t'allais dire? J'ai dit vas-y. T'avais un cocombe dans la bouche. Une carotte. Une carotte. Ça porte à confusion. je disais tout à l'heure, on a entendu du Monogrenade avec la pièce de toute façon en 12e place. J'espérais ne pas voir l'intérieur de ta bouche encombrée de carottes, mais c'est comme tu veux, tu sais. Voilà. C'est ça les panneaux, c'est fou, hein? Oui. C'est n'importe quoi. C'est fou! Dans ma bouche! Nouveau slogan, c'est fou dans ma bouche! Bon, bof, on va essayer de pas trop l'exploiter. D'accord. Donc, c'est ce Monogrenade qui va être en spectacle à Trois-Rivières. Oui. Ça se passe le 2 février prochain à la Maison de la Culture de Trois-Rivières. Donc, c'est ça, Monogrenade, on adore ça, on va continuer d'adorer ça pour toujours. Et on les encourage fortement et on vous encourage à aller les voir. Je disais donc, 8e position anglophone, ce sera The Bar Brothers et Give the Devil Back His Heart, ça monte de 2 places. Et francophone, ce ouais. sera On a créé un monstre, avec la pièce 5.0, 5,0 ou 5. Ça dépend, en français c'est virgule, mais ça se dit mal. On va dire 5.0. Ouais, c'est bien de même. Qui est en 20e place et qui est maintenant en 8e. Ouh! 12 places. Des petits vite. Bon. Petits vite. Ok. Vous êtes au Panorama C'est Fou, 89.fm. Eh oui. Des petits vite, hein? C'est ça. Mange-la, puis avale-la d'un coup sec, ça. Ouais. Ça met beaucoup de trempette. Ça va me ramper la gorge. C'est comme trempette accompagnée de carottes, hein? C'est plus ça. Non. C'est une grosse carotte. Mets de la trempe pas, sûrement que tu retrempes tout le temps, mais pas moi. Arrête, non. C'est dégueulasse comme mettre ta bouche dans le plat. Tu sais, la manger dedans. Ah. Tu gagnes. C'est ça. Merci. J'ai souvent brûlé du temps en improvisant des paroles qui chantent sur le Au retour de Bar Brothers et la tartine de Justine, on va se tartiner ça, toi, de même, là. Pout, pout, plou, plou, de trempette. De trempette. Comme mes légumes. Hey, la trempette. Wow. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89-1 Numéro 8. Give the devil back. Give the Devil Back His Heart. J'essaie de chanter par-dessus le gars. C'était pas chanté, c'était parlé. The Bar Brothers, position numéro 8, ça monte de deux places du côté anglophone. Oui, oui, oui, oui, c'est à moi, non? Ben, à peu près, oui. Oui, c'est ça. Ben là, on a écouté, on a créé un monstre qui a fait 5.0, 5.0, 5.5. 5.5. On dit comme on veut. Okay. Donc, vous êtes toujours au Parleur Assez Fou et Justine Renaud vient d'arriver avec nous. Hala! On s'incline tous devant toi. Même la lampe. Oui, même la lampe. Même ta langue. Même ta mère. S'incline. Même maman. Je suis désolée, c'est... On le dira pas, là, mais j'ai un chewing-gum dans la bouche. Ouais, c'est ça. Ben, je l'ai enlevé le mien, tu sais. On se dit, on n'allume pas qu'une gomme. Non, je sais, mais moi, j'ai peur de mettre mes doigts dans la bouche. J'ai touché à plein d'affaires avant de m'en venir ici, dont l'air ambiant, là, puis ces affaires-là. Là. Yark, hein? Yark. À l'université, c'est dégueulasse. Les poignées de porte, entre autres. Non? Ben, c'est ça. Ouais, donc, c'est les tartines de Justine. Petit papier de gomme, je te repartis petit papier de gomme riseré. Meilleur instrument pour retirer une gomme fraîche de sa bouche que je vais réutiliser plus tard. Ben oui. Ne faisons pas comme dans la chanson de la boule de gomme et ne la collons pas sur notre pied pour la remancher plus tard. Ça, c'est crasse. Yark! ou encore la mettre sur une chaise, hein, comme tu l'as appelé la semaine passée. Bien oui! Je vais commencer par mes tartines, mais en revenant de la superbe chanson que je vais vous faire entendre, je peux tout à fait vous faire part de mes péripéties de chewing-gum sur joli pantalon noir Tommy Hilfiger à 70$. D'accord, donc c'est un suspense, mystère et boule de gomme. Je pourrais quasiment faire des percussions avec ta petite canette de Sprite Zero. Sprite Zero? C'est super bon. En tout cas. Ouais. Ça, pour vous dire que cette semaine, j'étais au travail et j'écoutais encore une fois toutes les chansons que Stéphanie Gagné m'a dompées sur mon ordinateur pendant le temps des fêtes. Et sérieusement, il y a des joyaux de superbes pièces musicales que j'ai trouvées. Et une d'entre elles qui m'a vraiment restée gravée dans la tête en est une du groupe... canadien Broken Social Scene que plusieurs d'entre nous connaissons déjà. Et la raison pour laquelle on connaît ce groupe-là, c'est qu'il compte plusieurs membres. C'est un peu dans le même style que Brand Van 3000 qui invite des gens à produire des chansons avec eux. Ils ont des featuring et ceux qui se le demandent, la blague circulait sur Facebook, Feat n'est pas une artiste qui est en parvenant dans toutes les chansons. C'est tellement drôle. Exactement. C'était carré ça. Je n'ai pas vu cette chanson-là, Colin. Cette blague-là, mais je la trouve très drôle. C'est une artiste de renom, je trouve. Feat est un artiste de renom, oui. C'est peut-être le nom du rapper qui a sur chaque chanson pop qu'il y a à la radio commerciale. Exactement. Il doit être riche en tabarouette. Pas mal. C'est celui avec la voix aiguë, là, puis la voix nasillarde. Ah ouais. Ou c'est peut-être une autre prononciation de Feist. Feist, Feast, Feet. Feet, ouais, c'est feet. Ça, Feist, ouais. Paris, dans des chansons de Britney Spears. Voilà. Et voilà. Tout ça pour vous dire que, voilà, je suis tombée un peu en amour avec Broken Social Scene. Groupe, dans le fond, qui a été fondé au tout début par Kevin Drew et Brandon Canning en 1999. Alors, ces fondateurs-là qui ont eu comme idée d'inviter plusieurs autres membres à venir se joindre à eux à faire des jams musicaux dans les alentours de la ville de Toronto, qui compte plusieurs contributeurs comme Evan Cranley et Amy Millen du groupe Stars, Leslie Feist du groupe Feist. Ou Feet. Feast Feist. Bon. Et Emily Haynes du groupe Metric, connu tout simplement par Emily Haynes and the Soft Skeletons. Mm-hmm. Et un autre, Sebastian Granger of Death from Above 1979. C'est bon ça, j'adore ça. C'est bon ça, oui. C'est ça. J'ai fait ressortir ceux qu'on connaît d'habitude, mais il y en a plusieurs autres contributeurs. C'est vraiment fou, sérieusement. Ils ont à leur actif déjà plusieurs albums, mais la chanson que je veux vous faire entendre, c'est une chanson provenant de leur dernier album Forgiveness Rock Records, sorti en 2010. La chanson qu'on va écouter immédiatement, c'est Chasing, que vous allez voir, là, ça marie très bien les violons et toutes sortes de percussions. Et de... Tu peux la mettre, vas-y, Mathieu, ah ouais, à part là, tu vas voir. Dans les tartines de Justine. Super, yeah. On est à l'écoute. À C'est fou! Woo! N'est-ce pas excellent? Chasing the Broken Social Scene, une chanson que j'ai vraiment appris à adorer cette semaine, qui m'est vraiment restée dans la tête. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Mathieu Plante? Hey, c'est bon en maudit, ça! Ah! C'est fou! Là. C'est fou! T'as l'air tellement excité tantôt. C'est fou! C'est fou! Ouais, c'est fou. Ben, comme moi. Voilà pourquoi je me suis jointe ici à votre groupe de Mongols, parce que je suis Mongole. Hey, c'est le fun à savoir. Non, mais on pourrait t'appeler C'est folle. Oh, c'est folle! Ben oui. Ah, c'est folle, c'est bon. C'est folle. C'est correct, mais c'est Justine, assez folle. Justine est folle, assez fou. C'est ça. Ouh, oh, je suis mêlée. Ah! Bon. Donc, c'était dans les tartines de Justine. Justine Renaud, évidemment, aux deux semaines comme ça, ici, au Palmarès, c'est fou. Jasmine toujours là, Raymond Réville, ben oui. Fidèle au poste. Eh oui, moi, c'est Mathieu Plante. On parlait tantôt d'une comment dire ça, comme un flashback des événements de l'épisode précédent, de la semaine passée, la gomme sur la chaise. Oh. Oui. On veut que tu nous rappelles les souvenirs de la semaine passée. Ben aujourd'hui, c'est ça, là, justement, j'ai la chic de gomme de la semaine passée dans ma bouche. Là, je la garde depuis ce temps-là. Là, je dors avec, je déjeune avec, je l'amène au restaurant, on fait nos cours ensemble. Tu la tiens en laisse. Ben c'est ça, je la tiens en laisse en dessous. Dans ta langue. Dans ma bouche. Voilà. Non, pour de vrai. Mes pantalons, ouais, la semaine passée, j'ai eu... En studio, en direct à la radio. Une malencontreuse rencontre de mon postérieur avec une gomme sur la chaise dans le studio de Cifu, justement. Quelqu'un avait laissé sa gomme là, comme ça. Ben, sans faire par exprès, moi, je pense. J'ai pas l'impression que c'était intentionné. C'est en fergeant sa bouche. Comment tu peux échapper ta gomme sur le. Je comprends pas. C'est ça, tu t'enfermes dans ta bouche, comme. Ouais, mais t'es assis sur ta chaise, je veux dire. Moi, si en ce moment, je m'enferme dans ma bouche, la gomme, elle tombe sur le micro, tu sais. Vrai. C'est pas sa chaise, parce que je t'assieds dessus. Écoute, d'après mes calculs physiques, là, oui, puis la direction du vent, là, tout ça, fait en faveur que ça. Parce qu'il vente ici. Oui, ben j'ai tellement. J'ai le vent dans le toupette. Dans le cocon d'un mètre cube. Là. Non, c'est peut-être, c'est peut-être un animateur d'une émission de métal, tu sais, qui s'est levé debout pour que headbanger. Ben, ça y aurait collé dans les cheveux, je pense, ça fait ça. C'est après, vrai. Après, se rendre sur la chaise. Voilà. Fait que c'est ça. Tu m'avais donné, en fait, Jasmine, des trucs comment enlever ma gomme, dont beurre de peanut, mayonnaise et congélateur. Tout ensemble. J'ai utilisé seulement un des trucs, c'est-à-dire... Le beurre d'arachide. Beurre d'arachide, non, c'est ça. J'ai utilisé le congélateur, donc j'ai mis mes pantalons dans le congélateur. T'as mis tes fesses dans le congélateur? Oui, bien, c'est ça, j'ai pas eu le choix. T'as pas utilisé mon conseil de faire des short shorts avec? C'est que ça aurait été un peu trop ça aurait été des bobettes, là, je pense. Et encore, là. Puis des bobettes en jeans, on sait que c'est pas très confortable. En tout cas, fait que c'est ça, je mets ça dans le congélateur pendant 3 jours entre les chicken nuggets et les gaufres. Et moi, d'attendre, à part que ça sentait le congelé, j'ai sorti ça 3 jours plus tard et j'ai essayé de gratter comme les vieux trucs de grand-mère de Jasmine. Et j'ai essayé, écoute, avec le pot de beurre de peanut, toute la kit avec mes dents, le chat le liché, ça n'a pas marché. Finalement, j'ai eu la brillante idée de le mettre sous le robinet d'eau brûlante. Et ça a tout parti, hein, wow. Ça s'est dissous. Ben, en fait, là, on s'entend-tu que la gomme, avec l'eau chaude, ça doit se désagréger. Ben, c'est ce qui est arrivé. J'ai écrit un papier scientifique à ce sujet. Je l'ai envoyé à Nature. Ils l'ont accepté tout de suite. Wow. Comment dissoudre la gomme comme du monde? Comment défaire? Exactement. Non, c'est des blagues. Tout ça pour dire que mes pantalons sont ravivus. Je suis bien contente. Merci beaucoup, Jasmine. Mais je suis sûre que le processus de congélation a dû aider ensuite. Ça a comme fait un choc thermique, là, la gomme. Elle savait plus trop quoi faire à part mais, comme elle l'a mentionné tantôt, faut laisser la gomme au complet. Comme ça, ça s'arrache tout d'un coup. Ah, OK. Oui, mais s'il y aurait juste une petite bébé couche de gomme, c'est sûr que c'est moins évident. Oui, mais c'est sûr, mais la gomme, elle était pas toute là. Moi, je me suis assise, puis quand je me suis levée, vous avez entendu, ça fait... Puis tout ce qui restait, c'était comme une parcelle de demi-gomme étendue sur genre 3 km à 40. Là. C'était assez... c'était étendu et non comme tout en moton. Moton est un mot français dans oui. La tech fille bien acceptée. Ah, c'est sûr. C'est un terme médical qu'on appelle. Un terme médical. Moton. Ouais. Donc, à chaque 2 semaines, comme ça, on va mettre quelque chose de nouveau sur ton pantalon. Ce sera différentes choses, différentes couleurs, de différentes textures. On s'entend sur ce que mais ça mais avec veut. La mayonnaise et le beurre d'arachide, d'après moi, on a un autre problème. Ça doit faire une belle petite tache de gras. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais si, mettons, tu as une tache de mayonnaise et de beurre d'arachide qui est supposée être ce que tu utilises pour c'est enlever dans la les cheveux. C'est dans les cheveux. C'est dans les cheveux de Lisa Simpson. Okay. T'es pas sur ta robe. T'es pas sur sa robe orange. Tout revient aussi. Dans ses petits cheveux. Okay. C'est là que j'ai vu le truc. Cheveux en pic, là. Oui, dans son toupette triangle. Bizarre quand même pour une fille, ça me semble un couple de cheveux, je sais pas. Là. Ben écoute, ça fait très hardcore. C'est différent. Oui, vraiment. Me semble, en tout cas, comparé à... Mais tu sais, Maggie aussi en a une, puis elle doit même pas avoir 3 cheveux sur la tête. C'est ça. Ben 3. Plusieurs cheveux, mais 3 pas pluriel trop. Moton. Martins of Chavoux. Voilà. Ouais. Mm. Bon, mais c'est une belle parenthèse qu'on a fait là dans ta chronique. Oui, ouais. Oui. Belle parenthèse. Ça? D'autres choses à dire? Non, je pense qu'on peut continuer. Pas de problème de peau, rien. Problème de peau? Non, hey, mais tout. J'ai un rendez-vous avec mon dermatologue pour un suivi sur mes cancers de graines de beauté, peut-être non inexistants. C'est ça, parce qu'il faut rappeler aux gens, parce que Jasmine vient d'arriver à l'émission. Au courant, ben, je trouve ça un peu bizarre. Là. Elle connaît pas c'est ça. Moi, je suis très graine beautéeuse et. Graine beautéenne? Oui, exactement. Ouais. Excusez-moi, merci de m'avoir corrigé. M'excuse de faire en ongles. Alors, Jasmine, oui, c'est ça. J'ai beaucoup de graines de beauté. Il y en a un qui doit être gros comme la gomme que tu avais sur la fesse? Ouais, gros de même. C'était la cuisse en passant. Et mon dermatologue de s'inquiéter de si il pouvait devenir cancérigène un jour, là, être malin. Donc, c'est ça, j'ai eu une biopsie. Là. Ils m'ont gelé, ils m'ont ensuite pris des petits ciseaux. Ils m'ont pas pris, là, mais en tout cas, ils ont pris des petits ciseaux pour couper un petit bout de crème beauté et de le mettre dans un petit pot pour ensuite faire une analyse. Jasmine, ça serait passé de cette histoire-là. Je suis pas malade. Je suis un peu chuchote avec ça, je suis comme molle, là. Soudainement, c'est crudité, sa sauce, que, c'était de trop. Une chance que je suis sur ma chaise pour vrai. Non, mais ça, c'est pas si pire que ça, parce que l'année d'avant, j'avais un grain de beauté qui était tout le temps dans. Tu sais, il était dans le chemin, là. Quand je mettais mon soutien-gorge, j'étais dans le chemin, fait que c'était fatigant. Je suis allée voir le dermatologue, puis il me l'a coupé. Mais j'étais gelée. Mais c'est la piqûre qui fait le plus mal. Même fois qu'il coupe, là, vraiment, justement. Il prend des ciseaux, il coupe. Ouais. Ah, c'est le fun. C'est ça. Mais c'est ça, j'ai un rendez-vous pour un suivi médical, Colin Debin, le 28 février à 15h20. Crime, c'est juste avant le jour bisextile inexistant. Il existe parce qu'on l'a cette année. Il n'existe pas tout le temps, c'est la fin. Mais cette année, oui. Ouais. Cette année, il existe. C'est vrai. C'est l'année bisexuelle. Hey. Enchaînez donc, là, vous autres, là, avec votre top. En tout cas, moi, tu nous feras état de ton grain de beauté, de personne grain de beautéique. Hein? Beauté asque. Beauté antique. Ah, beauté antique. Beautéeuse. Beautérifique. Bon, c'est ça, tout ça. Tout ça. Voilà. Donc, merci, Justine. Tu restes avec nous un peu? Oui, ben oui. Ah ouais, donc. J'ai du temps. J'ai des élections là, dans 1h10, mais... Assemblée générale de l'AESCP. Association étudiante des sciences chimiques et physiques. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Donc, on va être rendu... On va sauter par-dessus les 7e places, en fait, du côté anglophone. On aurait entendu Nans and Nat avec Huntington. Et on aurait entendu... Tel un naufrage de Funambule. Exact. À la place, on va aller en 6e place. On va l'entendre Das avec la pièce Armée sur l'album Armée d'un rêve. Ouais. Dit comme ça, ça a l'air comme si je riais de ça. Mais c'est pas du tout. Donc, on écoute ça à l'instant. 89 FM, c'est fou. C'est pas celle-là partout. Salut-y. Petite gaffe comme ça, le fait de temps en temps, ça passe bien. Correct. C'est l'histoire de ma vie. Il n'y a pas juste nous qui faisons des gaffes. Armée d'un seul bouclier, alarmée par les bruits d'épée, il se défend mais c'est en vain, il n'a pas de pouvoir divin. J'ai connu cet homme au grand rêve. Je dois maintenant prendre sa relève. C'est un homme avec un secret, celui qu'on écrit à la craie. Armé d'un rêve.

n'y a plus de petit clavier qui dure trop longtemps. Justine était là tout le long de la pièce, elle critiquait le clavier dans la chanson de Duchess 16. Là, ça sonne trop vieux. Non. Ah, c'est ça. Non, je l'ai chialé. Fais-le ton compte rendu. Là. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai critiqué la qualité du clavier. J'ai juste dit que le son était pas à mon goût à moi. Mais c'est pas parce qu'il est pas à mon goût à moi que ça peut pas plaire aux autres. Ben oui. Écoute, la preuve, c'est dans les palmarès. Et nous, on aime ça. Voilà. Dutch 16 avec Time to Reiterate, lancé numéro 1, qui est maintenant en 6e place anglophone. Et du côté francophone, nous avions Armé par le Das. Par Das, hein? J'essayais de trouver un moyen de le dire, mais c'est juste une syllabe, tu sais, fait que ça joue vite de même. Das. Voilà. C'est la fin de la deuxième heure. On se retrouve tantôt avec, entre autres, la musique de Benoît Rochelot, Benny. Hein? Benny! Le Grand Nord de Jezebels et Bruce Peninsula. Et on a aussi les moments classiques d'Assemblage requis. Oui! Mais tu m'as pas demandé de prononcer de dire le nom d'album de Duchess. Ah, c'est vrai, c'est... Inefongeti! Et voilà. Inefongeti! Encore une fois? Non, c'est assez. Ça va aller? Deux fois, c'est assez. Ah, c'est vite quand même. Hein? Quand même. C'est une femme. Oh! Mais moi aussi, on stand vite. Écoute... Vous autres, là, vous portez vos bobettes jusqu'à ce qu'ils se désagrègent. J'ai juste l'élastique et les deux petits bouts. Non. Nous autres, on a besoin de changer de linge, on change de garde-robe, on stand vite. Puis, écoute, c'est pour ça que la planète va en empirant. Tous les problèmes d'épuisement des ressources, ben c'est nous. Je pensais pas avoir une explication de la vie par Justine aujourd'hui. Merci. On se retrouve juste après la pause. Je vais réfléchir à ça. C'est fou. Pour l'écouter. 89.1. Clap des mains, attention. C'était beau, ça. C'est les Palmarès des Fous, troisième heure pour la semaine du 16 au 22 janvier 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, Jasmine Raymond-Drainville. Suis les ordres, Justine. Oui, c'est ça, vas-y. Ah oui, c'est Justine Renaud-Carline. Ben oui, mais là... Non, mais vous comprenez pas, là. C'était parce qu'elle a dit tellement vite son nom que j'en ai quasiment eu... Mais elle a trois, ben normalement. Les os de l'oreille interne foulées, quelque chose. Toi, t'as juste comme Justine Renaud 4 là. Moi, ça finit plus de finir. Jasmine Raymond Drainville 6. Mathieu Plante 3, comme. Ah, mais moi, faut que je le fasse rentrer dans le même temps. Simpliste et simple, moi, c'est ce que tu veux dire, moi. Qu'est-ce que c'est? Un vrai végétal. Moi, faut que je fasse tout rentrer ça en trois syllabes, comme toi, quand tu dis... Mais c'est ça, j'ai comme eu, je sais pas, un haut-le-cœur, mais tu sais, quand t'as le vertige un peu, ouais. Là, vous me pardonnerez de mon nom, de ma non-réponse, en tout cas de ma non-vivacité d'esprit. De ton inertie. Ouais. Personne va battre Marie-Pierre Laforge-Bourrette de toute façon. Mais non. La battre? Ben, je l'ai faite l'autre jour au rack à bicycle, là, mais en tout cas. Je pensais pas violente de même, toi. Non, mais j'aurais aimé voir ça. Écoute, télépayante et tout, non? C'est ses cheveux là, qui en ont mangé toute une craque. La place était beau et frisé. Il était tout rendu comme. Ah, mes cheveux raides à la fin, c'est ça. Red. Super beau. Palmarès, c'est fou. On s'est dit, pourquoi ne pas commencer cette troisième heure par les blagues? Avec une carambolague. Carambolague. Carambolague. C'est vrai. OK, vas-y, on l'a pas entendu celle-là, mon frère, je l'ai pas c'est entendu. C'est encore. Ah, oui, OK. Continue, finis ce que t'allais dire. Tu l'as entendu, c'est mais toi, tu l'as déjà lu, donc tu riras pas autant que moi. Là. Je sais pas. Okay. C'est moi, encore dans la catégorie les duos de dingue. Qui, du marin ou de l'aviateur, écrit le moins? Faut dire pourquoi aussi, là. Ben oui, facile, hein, quand même. Je sais pas pourquoi, je sais pas ma réponse. Ben, ni l'un ni l'autre, là, il me semble que... Non, mode tu de poses une question, tu sais. Je vais y aller avec un marin, c'est ça? Pourquoi? Parce qu'il a jeté l'ancre! Oh! Wow! Rire en canne. ouais, brasse pas ma canette, toi, là. Non. Bon, hey, déplaisant. C'est ça. Est-ce que nous en reste d'autres, non? Non, c'est tout. Ah, oui, je simulais le rire en canne. Je riais pendant qu'elle tapait sur sa canne. Mais t'es vraiment... C'est ça, un rire en canne. Ah, OK, je viens de comprendre. Ouvre la canette, on va voir s'il y en a dedans. C'était vraiment c'est plein de petits humains qui rient. Oh, mon Dieu. Vous savez quoi? Quoi? Une anecdote par rapport à rire en canne. Ouais. Vous savez, quand on était petit, c'est-à-dire environ 14-15 ans, le terme « lol » venait juste de sortir, c'est-à-dire okay. « laugh out loud oui. ». Okay? Et puis, en français, il y avait « MDR », « mort de rire ». Mais moi et ma meilleure amie, Roxane Desroches, que je salue, bonjour. Bonjour. Nous avons tenté de populariser le rire en canne « rec ». Ça n'a jamais marché! Le « rec ». Voilà. J'ai essayé d'utiliser ouais. « rec ». Hey, « rec ». On pourrait juste dire REC. Non, REC, c'est encore plus drôle. Non, ouais, REC. On dirait une de mes abréviations de mots de. C'est comme PARF. Ouais, faudrait que je dise ça parce que je dis tout le temps. Ah, non, non, non, c'est mon préf. Tu sais, préféré, évidemment. C'est correct. Tu sonnes comme une Française de France. Mais non, bref, je sonne comme des ados. C'est mon préf. Ouais. Ouais. Foule d'achier. On salue mon prof. Voyons, qu'est-ce qu'elle enseigne comme matière? Ton prof. Mon prof de biologie moléculaire française. Bonjour. Pépé Le Pew. Pépé Le Pew. C'est non, Pépette non. La Pieuse. Super. Ouais. Hey, t'avais une anecdote, toi, Jasmine, tantôt, que j'ai envie que tu nous racontes parce que tu parlais de bonbons. Ah, c'est fun. Ben oui, ben oui. Personne va t'attraper. C'était le processus est honnête. Il y a environ trois semaines de cela. Donc, tout débute le 1er novembre, lendemain de l'Halloween. Donc, tous les bonbons sont à 50% dans les épiceries et les magasins à grande surface. D'accord. Moi qui suis un peu bébête à sucre. Un peu beaucoup. Hein? Un peu, hein? Bon. Je me suis dit, tiens, je vais aller dévaliser les rayons de bonbons d'Halloween des épiceries. Donc, c'est du fait pogner par la police. Non, attends, c'est légal. Je suis allée chez Maxi, je me suis acheté un paquet de Maynards. Il y avait des Fuzzy Peach, des petits bonbons aux fruits. Les autres sont plus plates, là, des Sour Patch, des tout. Là, bon. Oh, Sour Patch, ça te scrape une langue. C'est ça l'origine de ma plainte, d'où la plainte. Pardon, je suis désolée. Donc, dans mon... C'était comme des petits formats individuels. Des petits sacs. C'est ça. Donc, j'ai mon petit sac de Fuzzy Peach. J'ai dit, on peut jouer aux poches avec ça. Ben oui, hein. Fait que là, je mange mes Fuzzy Peach et oh! Tabarouette, il y a un Sour Patch dans mon sac. Hey! Outrage! Arrête, tu me fais saliver, sérieux, tout à l'heure, j'avale. Bon, donc, là, moi, je me dis, tabarouette, je vais aller voir si je fais une plainte pour voir si... Tu as vu le gain à la fin de la plainte, hein, je pense. Donc, je m'en vais écrire à la compagnie. Je leur dis, ben, tu sais, parce que les Sour Patch, j'aime pas ça pour vrai. Je trouve ça... Tu sais, tu plumes la bouche quand tu manges ça, elle donc... a bullshité ça. Non, mais hey! Hein? Donc, j'ai écrit à la compagnie, je dis, ben, j'ai ouvert mon petit sac de bonbons, puis il y avait... En tout cas, l'infâme boule noire. Fait que là, je dis, moi, j'aime pas ça, les Sour Patch. Je suis un peu déçue parce que j'aime pas ça. Je suis un peu là, déçue. Donc, on me demande la valeur de ton sac à 25 cents, genre. Ben, en fait, c'était comme une boîte, puis c'est ça. Fait que là, on me demande combien de reprises les problèmes s'est présenté. Donc, je dis, je sais pas encore, je viens de commencer ma boîte, tu sais. Donc, je dis la valeur de la boîte. Mais c'est que le risque est tellement élevé qu'il y en a d'autres. Et donc, on m'a envoyé très, très gentil. Puis les gens de la compagnie m'ont répondu. Donc, c'est probablement un problème de l'usine. Mais on a mis les mauvais bonbons dans les mauvais sacs. Donc, on m'a envoyé des bons rabais qui sont applicables à tous les bonbons et toutes les gommes de la compagnie. De Kraft Foods. Là. Donc, Kraft Foods au complet. Donc, ben, tu sais, ils ont de la gomme, ils ont des Toblerone, de tout. Oh, fiasse! Toblerone, la chose. Donc, si jamais vous n'êtes pas satisfait d'un produit, ben, crime, plaignez-vous. Ben, t'aurais pu t'en tartiner encore plus épais là-dessus, sur la tartine. Là, t'aurais pu dire, genre, ben là, je suis allergique au Sour Patch Kid, je vais vous poursuivre. Mais non, là, ça aurait pas été honnête, mais j'étais honnête. J'ai dit, j'aime pas ça, les Sour Patch. Tu me fais penser à ma grand-mère, voyons. Ouais, c'est vrai. Ma grand-mère, à chaque semaine, elle appelle la compagnie Click qui fait, vous savez... Des pois chiches et tout, là. Des légumineuses, voilà. Tout sec et dur qu'il faut que tu laisses tremper pendant un an. Des lentilles et tout, là. Exactement. Oui. Puis ma grand-mère, à chaque fois, elle se fait pogner, elle veut faire de la soupe au pois, parce que ma grand-mère, elle aime ça faire de la soupe au pois, qu'on la salue d'ailleurs. Bonjour, grand-maman. Bonjour, soupe au pois. Ah, excuse-moi, oui, salut ta grand-mère. Puis, c'est ça. Fait qu'elle appelle à peu près à chaque semaine à la compagnie Click pour dire « Hey, mes pois, ils ont pas ramolli pendant la nuit, ils ont pas ramolli! » Non, mais ça fait de la soupe au pois dur. Moi, c'était vraiment la première plainte que je faisais, puis j'en sais pas. Ça que ma grand-mère a dit pour 50 ans. Non, mais je serais gênée là, qu'ils reconnaissent mon nom, puis qu'ils, tu sais... Ben oui. Mais c'est sa réputation, elle est faite. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Ma soupe au pois, quoi? Elle fait des pois durs. Ma grand-mère faisait de la soupe au pois, puis c'était vraiment là, un peu dur. Là, ça croquait sous la bouche. C'est pas normal. Pas fait assez cuit. Non, c'est pas ça. Ma grand-mère est une experte en soupe au pois. Bon, est-ce que je peux insérer ma blague? Oui, c'est ça. Sa soupe au pois était lourde, pois. Parce que les potes étaient... Oh, poilot! Poilot! C'est un poilot! Donc, jeudi prochain, je pourrais amener des bonbons que j'ai achetés avec mon 10$ de rabais. Oui! Oh non, pas jeudi prochain, je serai pas là. Dans 2 semaines. Non, c'est le carnaval la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Ah non, mais la semaine prochaine, au pire, tu peux venir puis tu peux me soudoyer avec des bonbons pour que je me fourvoie dedans les réponses. Parfait. C'est bon, ça? Moi, c'est ça me dérange pas. C'est perf. Perf. Non, pas perf, là, on va pas ambitionner sur l'anglais. Là. C'est perf. Ouais. Non, j'aime pas ça. Oui, c'est parfait. C'est, vais, c'est bien. Pour la prochaine fois où je parlerai tantôt, là, je vais essayer de trouver quelque chose pour un remplacement de perf parce que j'aime pas ça. C'est super. Ça me fait penser comme à du parmesan. Ouais. Parf. Du parfaisant. C'est fantastique, comme dans Fantastique. Ou juste Fanta, comme les boissons dégueulasses. Fanta. Ah, j'ai déjà fait une crise d'hyperglycémie à cause de ça. C'est tellement mauvais. Pour vrai? Hein? Ouais, sérieux. C'est bien trop sucré, pour vrai? Non, mais ça goûte toutes les autres liqueurs. Là, tu le Fanta Rose goûte, le crème soda. Puis c'est dégueu. Non, mais c'était ça. J'avais goûté le Fanta Rose, OK? Écoutez, j'ai bu toute une bouteille de Fanta Rose avec un peu de slush, avec des bonbons. Puis quand j'ai été me coucher après ça, je me suis réveillée, puis je shakais de tout partout. Sérieux, je shakais, j'étais sur le bord du lavabo puis je shakais. Là. C'était vraiment j'en doute pas. Mais ce qui est excellent, c'est la dernière chose que je dis, le promis. Ouais, parce qu'on joue rarement du palmarès d'un palmarès. C'est ça. Bon, là, on est tout énervé. Je suis désolée. Donc, tout ça est parti de ma plainte de bonbons. Parlant de crème soda, moi, j'aime pas tant la liqueur, mais ça, par exemple, je trouve ça bon. C'est bon. Sucre en tabarouette. Est-ce que vous avez déjà essayé de mélanger du crème soda avec la crème glacée à la vanille? Ah, miam, un flotteur. C'est vraiment bon. Comme la route beer chez Alizé, C'est ça, c'est tout. Mais c'est non, bon, mais bon, c'est tellement bon. Faut que tu te cales un 8 litres de lait après. Là, Justine a fait une phase de dégoût total. Un litre de quoi? Non, j'ai dit après ça, faut que tu cales 8 litres de lait. Mais t'essaieras. Mais parce que c'est sucré. Non, de l'eau. Tu bois du lait quand c'est sucré. Ouais. Hein? Ça n'a pas rapport. C'est sucré. C'est bizarre. T'as donc pas des trucs de grand-mère étranges. Je te dis ça dans les Simpsons. Quand tu manges du gâteau au chocolat, tu prends un verre de lait, parce que c'est sucré, tu sais. Non. Ben non, mais là, c'est à cause que quand c'est sucré liquide, là, tu peux pas boire autre chose. Ben d'habitude, oui. Tu vas te faire vomir quelque ben chose. Ben non, mais moi, il me semble que quand je bois du lait au chocolat, j'ai le goût de boire du lait après, là. Non. Ouais, okay, c'est quand même bizarre, ça. Du lait, ça va avec tout. Non, moi, je déteste pour mourir le lait. Moi aussi. Hey, on est deux là-dedans. Il y a top lait virtuel à distance. Vive le Sprite Diet. Ouais. Ouais, zéro. Ouais. Ah, Sprite Zero, excuse-moi. Dans des céréales, c'est excellent, tu sais. Non, mais des fois, sans faire exprès, je mets du jus d'orange dans mes céréales, ça c'est très bon. Ça met du pétillant. Mais tu sais, dans des Rice Krispies, je suis désolée, mais ça explose jusqu'en mars. Hey, palmarèson. Oui, on va dévier de la règle et jouer des extraits des palmarès c'est fou dans l'émission des palmarès c'est fou. Incroyable. Donc, on est rendu au 5e place du côté anglophone. Ce sera The Jezebels et Anna Summer qui montent de 3 places. En français, ça va être une Rochelot avec Vientant. Il nous amène au parc encore cette semaine. Ça fait combien de semaines qu'on va au parc? Ça fait 5 semaines. Pas super quand même, notre petite balade hebdomadaire au parc. La semaine passée en 5e place, cette semaine encore en 5e. On est bien, on est confortable, on fait une petite sieste sur le banc de parc. Ah ben, Colin, comme un hobo. Mon Dieu, comme un hobo, exactement. Un beau hobo. Top la virtuelle ensemble. À distance. Je l'ai envoyé par SMS, moi. Ah, cool. Envoie-moi une photo de toi, comme Barney dans Comment j'ai rencontré. Ta mère. Avec Mother. Non, mais je sais, mais c'est Comment j'ai rencontré. J'ai pas vu ça. Ah, c'est drôle. Je suis vraiment inculte. Je suis désolée. C'est parfait. Bon, mais ça tombe à plat. C'est comme pas mal toutes les interventions des palmarès, c'est fou. Je m'excuse. On pourrait appeler ça les palmarès, c'est fou. tous. Triste. Larmes. Prends ton sac, on s'en va au parc. J'ai la couverte, puis mon carnet. Prends une bouteille, puis une pomme chaque. Viens-t'en, on s'en va au parc. Prends ton 5. The Jezebels et Endless Summer en position numéro 5, ça monte de 3 places du côté anglophone. Oui, t'es pas prête, je sais oui, qu'elle était pas mais prête. Mais non, je sais. T'es pas prête. Oui, oui, oui. Puis on avait Benoît Rochelot hein, qui nous amenait au parc. Benny! Viens-t'en! Benny Roach! Avec Viens-t'en, oui. Cinquième place. Pour la semaine passée, cette semaine, puis en fait, le cinquième, le troisième, cinq, ben, je sais pas. En fait, il est là depuis 5 semaines, voilà. Bon, c'est super ça. C'est ça. Les filles, Jasmine, Justine. Oui, c'est nous. C'est le moment de... Qui veut s'essayer? C'est le moment du défi. Des meilleurs moments... Je sais jamais comment on appelle ça, mais les meilleurs moments de... Est-ce que tu veux que je le chante à la place? Un instant vas-y. Je vais le chanter. Oui, c'est ça. Voici les meilleurs moments d'assemblage Rocky. Ah, c'est vrai, il y a un deuxième bout, attention. Classique.

Au retour, Bruce Peninsula, Ox et les Oulala au Palmarès, c'est fou. Oulala, je t'ai coupé ton oulala. Oulala. Oulala. Let's go. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Numéro 4. Chupacabra de Bruce Peninsula en quatrième place. Et nous avions le Grand Nord aussi, qui a fait la pièce Fille de feu. C'est tout ça, cette mélodie-là. Non, mais c'est super que je cherche. C'est mon tic de bouche. Ton hymne national. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Ou de ta ville, Drainville. Mais je ne viens pas d'une ville. Je suis native de la visitation de Yamaska. C'est un village. Ce qui faisait de moi une visitandine. Mais comment se fait que ton nom, c'est pas Jasmine Raymond Drainvillage, d'abord? Demande à mes parents. C'est ça. Ouais. Ça n'a pas de sens. Je sais. Hein? Justine Renaud. Je suis là. Oui, est-ce que t'as déjà eu un premier non? Est-ce qu'il y a des noms dans ta famille? Puis là, t'es comme une deuxième, fait que t'es comme une Renaud, là? Non. Il y a pas une sorte de voiture aussi qui s'appelle comme oui, ça? Oui, les Renault. Oui, t'as Renault Dépôt aussi. Super bolide. Renault plein de choses. Moi, c'est Renault Dépôt, pas Renault excuse-moi. Dépôt. C'est Ginette Renault. Ah, d'accord. Ouais, ça explique tout, finalement. Il y a pas grande histoire avec mon nom de famille, franchement. Non. À part AUD ou AULT. À chaque fois que on. Tu sais, c'est ça. Ouais. Voilà. Vrai. Hein? On manque de temps, on continue du. Ben, c'est ça, à place de niaiser, de même. On va continuer. Okay. Ben oui. Position numéro 3, du côté anglophone, ce sera Ox avec Indie Rock Radio Nation qui monte de 3 places. En français, la pièce de Tudos de Oulala. Des Oulala, c'est de, comme de dans. C'est comme le groupe de. Les gars de Lega. Les gars de Lega, dans Les Pieds dans la Marge. Je ne connais pas ça. Les gars de Lega. Les gars de Lega. Ça se dit bien? Oui. Les Oulala. Oh, oh, oh! Je te parle en assez fou au 89 FM! Le stress de la vie peut vous faire chez Flan. Faut prendre avec un grain de sel et rester béant. T'as méfus dans le parc, à l'abri des regards. Un flic t'a aperçu derrière au hangar. Tu doses mon frère, j'en ai très fier. Tu doses mon frère, ferme la portière. Tu doses mon frère, j'en ai très fier. Tu doses mon frère. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Et voilà la chopée, un disant demi-tard. T'as essayé de parler, mais il était trop tard. T'as appris à compter, mais pas dans les cahiers. La seringue et la ceinture, t'es vraiment dépravé. Tu doses mon frère, j'en ai très fier. Tu doses mon frère, ferme la portière. Tu doses mon frère, j'en ai très fier. Tu doses mon numéro 3. Rock and roll for the indie rock. On vient pas tout de suite, il nous reste encore une pièce, mais avant ça, Justine s'en va. Oui, je m'en vais. de ce pas aux élections de l'Association étudiante des sciences chimiques et physiques. De l'ACFSP? Non, l'Association... Non, comment t'as-tu tantôt? La... Ah, l'ASC... L'ASC... La... Parce qu'on peut, en tout cas. Parce qu'on peut, c'est ça. Est-ce qu'on peut? Bon, fait bye! Bye! Yay! Numéro 2. Avec Build, Destroy, Rebuild. Destroy, Rebuild. Oui, ça, c'est la position numéro 2. Ça monte de 5 places. Et du côté francophone, nous avions Marc Derry avec la pièce L'Astroblème qui était la semaine passée en 3e, qui est maintenant en 2e. Oui. Peut-être en première la semaine prochaine. Peut-être. Il nous reste encore les numéros 1 à entendre pour cette semaine. Mais par contre, avant ça, et avant de terminer l'émission, on va faire le tour de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Allons-y! Parce que pour ceux qui ne savent pas, les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement le top 20 francophone et le top 20 anglophone. C'est aussi le top 30 des CD, le top 3 des disques canadiens, le top 10 électroniques et le top 10 low! Ouais! Oui, donc, nouvelle entrée dans le top 30 des CD en 29e place, c'est Kate Bush avec 50 Words for Snow. Bon, t'as pu, j'étais en train de flipper mes pages, oui! Top 3, nous avons l'album Tuco, comme on veut, hein? Tuco! Avec The Ox. Oui, hein? On vient juste d'entendre, Ox, tantôt. Oui, c'est ça. Numéro 2. Oui. L'album Will the Guns Come Out de Annie El-Khatib. Qu'on vient d'entendre juste là. Qu'on vient d'entendre aussi. Oui. Le premier. Long Live the King avec The Decemberists. C'est peut-être un indice sur le top 20 des anglophones, peut-être. Oui, peut-être. Dans le top 3 des disques canadiens, en troisième, c'est Library Voices et Summer of Lust. En deuxième, Bruce Peninsula et Open Flames. En première, c'est l'album... Non, parce que. Moi, je t'ai dit le signe. Ah oui, Elephant Gaiety. Elephant Gaiety. Elephant Gaiety. Faut faire le signe, tu le dis. De Duchess 16, c'est stable. Du côté du top 10 électronique maintenant, il y a une seule nouvelle entrée. En fait, non, il y en a deux, mais l'autre est dans le top 3, je te la laisse. En sixième place, on trouve DJ Food avec Magpies, Maps and Moons. En troisième place, artiste varié. Ah. Avec 15 Years of Drum Code. Drum Code, j'ai le temps de. C'est ça. Deuxième place, on se demandait comment le prononcer, mais c'est Acre Tongue. C'était... avec l'album Strange Cargo. T'as besoin d'un nom d'artiste, tu veux trouver un nom, comment je vais m'appeler? Acre Tongue. D'accord. Mais oui. Comme la première place, ABC Galaxy. Avec l'album Monstrously Acclaimed. Ben oui. Acclaimed, c'est ça. Dans le top 10 loud, il n'y a pas de nouvelles entrées. Donc, en troisième place, ça monte de 2, Iced Earth avec Dystopia. En deuxième, c'est stable, Cydia avec Avexile. Et en première, c'est stable aussi, huitième semaine de présence pour The Thousandfold Epicenter EP par The Devil's Blood. Voilà pour le survol de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Retournons à nos top 20, nos prefs. T'es bref. Mais bref. D'accord. Mais bref. Il nous reste seulement les numéros 1, donc on va se quitter avec ça aujourd'hui. On reviendra pas après. La semaine prochaine. Ben, c'est ça. La semaine prochaine. Donc, c'est le moment quand même de faire des jeux de mots très rapidement. Je dirais qu'à un moment donné, t'aimerais ça que mes jeux de mots s'en aillent, hein? Ben non, mais je me demande vraiment lesquels tu vas faire avec ces deux numéros-là. Tu leur dirais à mes jeux de mots, allez-vous-en, ne revenez pas. Et si on parlait à un seul jeu de mots, on lui dirait quoi? Ne reviens pas. Ah, ok, oui, je suis d'accord. Colin, suis-moi. Ben oui, mais là. Suis-moi. Non, tu commenceras pas à me dire quoi faire, espèce de salomé. Salomé. Ok, je suis pas. Je t'ai rendu en anglophone. Ben, moi, je suis encore sur le franco. Ouais, c'est ça. C'est un jeu de moi qui salope. Hein? T'as oui. compris ça? T'as pas besoin d'un cerveau super intelligent comme chose. C'était qui le génie, le gars qui a découvert la théorie de la. Tu sais, chose, là. Honnêtement, j'essaie de faire le lien avec le titre, puis ça me dit rien, ben, cette personne-là. Chose Watson, sûrement Watson. Cher Watson, ouais. Dans Sherlock Holmes. Moi, c'est ça. Aucun rapport avec la lumière. Non, mais je pense qu'il y avait un nouveau film de Sherlock Holmes qui sortait genre à la fin de 2011. Je dirais peut-être. Au hasard, je vais dire un mois, je dirais peut-être décembre, mettons. Oui. De December. Mais oui, c'est ça. Pas pire, hein? Malade. Ouais. Oh, que vive longtemps le roi des jeux de mots. Sous les arbres. Ah, bon, OK. Ah, donc, expliquons nos jeux de mots. Du côté anglophone, on va entendre The Decemberists avec la pièce E. Watson sur l'album Long Live the King. Et en français? Ce sera Salomé Leclerc, que j'aime beaucoup, avec la pièce Ne reviens pas de l'album Sous les arbres. Sous les arbres, c'était ça la blague. C'était beau. C'était un beau travail de collaboration, je te dirais. Mais donc, on va se quitter avec ces deux pièces-là et puis on se dit à la semaine prochaine. On va revenir, évidemment, jeudi prochain entre 14h et 17h. Et c'est même sur les ondes de C'est fou 89,1 FM. On repasse, le vendredi soir entre 17h et 20h et les lundis après-midi entre 13h et 16h. Si nous suit le lundi, ce sera les filles du boudoir, juste après les deux prochaines pièces qui, espérons-le, vont jouer pour tout le monde, mais on verra bien quand même. Oui, on l'espère, oui. Faut que ça rentre dans le temps, c'est nous autres qui dépensons le temps. Oui. Bye, à la semaine prochaine. Bye. Merci, Jasmine. Ben, merci, Mathieu. Merci d'avoir animé l'assemblage requis ce matin. Ben, ça me fait plaisir. T'as sauvé la vie de tout le monde. Je pense pas, mais c'était quand même un plaisir. T'as été bonne, t'es déjà sauvée de moi. Oui, un petit peu. Bye. Au revoir. Bon, elle me fait des bye-bye avec ses mains. Oh, bye-bye. Bye. Bye-bye. T'as qu'à ne pas te tourner. Tu me verras jamais ramper. T'as qu'à éteindre le jour pour ne pas voir les morsures à mon cou. Va déposer les armes au fond des bois. Surtout ne reviens pas. Thank you.